Chapitre deuxième. Le bonhomme Piédeleux était beauceron, c'est-à-dire natif de la Beauce, où il avait passé sa vie et où il comptait bien mourir. C'était un vieux et honnête fermier de la terre de la Honville, près de Chartres, terre qui appartenait à Madame de Radour. Il n'avait vu de ses jours ni une forêt ni une montagne, car il n'avait jamais quitté sa ferme que pour aller à la ville ou aux environs, et la Beauce, comme on sait, n'est qu'une plaine. Il avait vu, il est vrai, une rivière, l'Eure, qui coulait près de sa maison. Pour ce qui est de la mer, il y croyait comme au paradis, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait y aller voir. Aussi ne trouvait-il en ce monde que trois choses dignes d'admiration, le clocher de Chartres, une belle fille et un beau champ de blé. Son érudition se bornait à savoir qu'il fait chaud en été, froid en hiver, et le prix des grains au dernier marché. Mais quand, par le soleil de midi, à l'heure où les laboureurs se reposent, le bonhomme sortait de la basse-cour pour dire bonjour à ses moissons, il faisait bon voir sa haute taille et ses larges épaules se dessiner sur l'horizon. Il semblait alors que les blés se tinssent plus droits et plus fiers que de coutume, que le soc des charrues fût plus étincelant. À sa vue, ses garçons de ferme, couchés à l'ombre et en train de dîner, se découvraient respectueusement tout en avalant leurs belles tranches de pain et de fromage. Les bœufs ruminaient en bonne contenance, les chevaux se redressaient sous la main du maître qui frappait leur croupe rebondie. « Notre pays est le grenier de la France, » disait quelquefois le bonhomme, puis il penchait la tête en marchant, regardait ses sillons bien alignés et se perdait dans cette contemplation. Madame Piédeleux, sa femme, lui avait donné 9 enfants, dont 8 garçons, et si tous les 8 n'avaient pas 6 pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Il est vrai que c'était la taille du bonhomme, et la mère avait ses 5 pieds 5 pouces. C'était la plus belle femme du pays. Les 8 garçons, forts comme des taureaux, terreur et admiration du village, obéissaient en esclaves à leur père. Ils étaient, pour ainsi dire, les premiers et les plus zélés de ses domestiques, faisant tour à tour le métier de charretier, de laboureur, de batteur en grange. C'était un beau spectacle que ces 8 gaillards, soit qu'on les vit, les manches retroussées, la fourche au poing, dresser une meule, soit qu'on les rencontra le dimanche allant à la messe, bras dessous, leur père marchant à leur tête, soit enfin que le soir, après le travail, on les vit assis autour de la longue table de la cuisine, devisés en mangeant la soupe et choqués en trinquant leur grand gobelet d'étain. Au milieu de cette famille de géants était venue au monde une petite créature pleine de santé, mais toute mignonne. C'était le 9e enfant de Madame Piédeleux, Marguerite, qu'on appelait Margot. Sa tête ne venait pas au coude de ses frères, et quand son père l'embrassait, il ne manquait jamais de l'enlever de terre et de la poser sur la table. La petite Margot n'avait pas 16 ans. Son nez retroussé, sa bouche bien fendue, bien garnie et toujours riante, son teint doré par le soleil, ses bras potelés, sa taille rondelette, lui donnaient l'air de la gaieté même. Aussi faisait-elle la joie de la famille. Assise au milieu de ses frères, elle brillait et réjouissait la vue comme un bluet dans un bouquet de blé. « Je ne sais, ma foi, disait le bonhomme, comment ma femme s'y est prise pour me faire cet enfant-là. C'est un cadeau de la Providence, mais toujours est-il que ce brin de fillette me fera rire toute ma vie. » Margot dirigeait le ménage. La mère Piédeleux, bien qu'elle fût encore verte, lui en avait laissé le soin afin de l'habituer de bonne heure à l'ordre et à l'économie. Margot serrait le linge et le vin, avait la haute main sur la vaisselle qu'elle ne daignait pas laver. Mais elle mettait le couvert, versait à boire et chantait la chanson au dessert. Les servantes de la maison ne l'appelaient que Mademoiselle Marguerite, car elle avait un certain quant à soi. Du reste, comme disent les bonnes gens, elle était sage comme une image. Je ne veux pas dire qu'elle ne fût pas coquette, elle était jeune, jolie et fille d'Ève. Mais il ne fallait pas qu'un garçon, même des plus épais de l'endroit, s'avisât de lui serrer la taille trop fort. Il ne s'en serait pas bien trouvé. Le fils d'un fermier, nommé Jarry, qui était ce qu'on appelle un mauvais gars, l'ayant embrassé un jour à la danse, avait été payé d'un bon soufflet. Monsieur le curé professait pour Margot la plus haute estime. Quand il avait un exemple à citer, c'était elle qu'il choisissait. Il lui fit même un jour l'honneur de parler d'elle en plein sermon et de la donner pour modèle à ses ouailles. Si le progrès des Lumières, comme on avait dit, n'avait pas fait supprimer les rosières, cette vieille et honnête coutume de nos aïeux, Margot eût porté les roses blanches, ce qui eût mieux valu qu'un sermon. Mais ces messieurs de 89 ont supprimé bien autre chose. Margot savait coudre et même broder. Son père avait voulu en outre qu'elle sût lire et écrire et qu'elle apprît l'orthographe, un peu de grammaire et de géographie. Une religieuse carmélite s'était chargée de son éducation. Aussi Margot était-elle l'oracle de l'endroit. Dès qu'elle ouvrait la bouche, les paysans s'ébahissaient. Elle leur disait que la terre était ronde et ils l'en croyaient sur parole. On faisait cercle autour d'elle le dimanche lorsqu'elle dansait sur la pelouse, car elle avait eu un maître de danse et son pas de bourrée émerveillait tout le monde. En un mot, elle trouvait moyen d'être en même temps aimée et admirée, ce qui peut passer pour difficile. Le lecteur sait déjà que Margot était filleule de Madame d'Oradour, et que c'était elle qui lui avait écrit, sur un beau papier à vignette, un compliment de bonne année. Cette lettre, qui n'avait pas 10 lignes, avait coûté à la petite fermière bien des réflexions et bien de la peine, car elle n'était pas forte en littérature. Quoi qu'il en soit, Madame d'Oradour, qui avait toujours beaucoup aimé Margot et qui la connaissait pour la plus honnête fille du pays, avait résolu de la demander à son père et d'en faire, s'il se pouvait, sa demoiselle de compagnie. Le bonhomme était un soir dans sa cour, fort occupé à regarder une roue neuve qu'on venait de remettre à une de ses charrettes. La mère Piédeleu, debout sous le hangar, tenait gravement avec une grosse pince le nez d'un taureau ombrageux pour l'empêcher de remuer pendant que le vétérinaire le pansait. Les garçons de ferme bouchonnaient les chevaux qui revenaient de l'abreuvoir. Les bestiaux commençaient à rentrer. Une majestueuse procession de vaches se dirigeait vers l'étable au soleil couchant, et Margot, assise sur une botte de trèfle, lisait un vieux numéro du journal de l'Empire que le curé lui avait prêté. Le curé lui-même parut en ce moment, s'approcha du bonhomme et lui remit une lettre de la part de Madame d'Oradour. Le bonhomme ouvrit la lettre avec respect, mais il n'en eut pas plus tôt lu les premières lignes qu'il fut obligé de s'asseoir sur un banc, tant il était ému et surpris. « Me demander ma fille ? » s'écria-t-il, « ma fille unique, ma pauvre Margot ?» À ces mots, Madame Piédeleu, épouvantée, accourut. Les garçons, qui revenaient des champs, s'assemblèrent autour de leur père. Margot seule resta à l'écart, n'osant bouger ni respirer. Après les premières exclamations, toute la famille garda un morne silence. Le curé commença alors à parler et à énumérer tous les avantages que Margot trouverait à accepter la proposition de sa marraine. Madame d'Oradour avait rendu de grands services aux Piédeleu, elle était leur bienfaitrice. Elle avait besoin de quelqu'un qui lui rendît la vie agréable, qui prit soin d'elle et de sa maison. Elle s'adressait avec confiance à ses fermiers. Elle ne manquerait pas de bien traiter sa filleule et d'assurer son avenir. Le bonhomme écouta le curé sans mot dire, puis il demanda quelques jours pour réfléchir avant de prendre une détermination. Ce ne fut qu'au bout d'une semaine, après bien des hésitations et bien des larmes, qu'il fut résolu que Margot se mettrait en route pour Paris. La mère était inconsolable. Elle disait qu'il était honteux de faire de sa fille une servante, lorsqu'il n'avait qu'à choisir parmi les plus beaux garçons du pays pour devenir une riche fermière. Les fils Piédeleu, pour la première fois de leur vie, ne pouvaient réussir à se mettre d'accord. Ils se querellaient toute la journée, les uns consentant, les autres refusant. Enfin, c'était un désordre et un chagrin inouï dans la maison. Mais le bonhomme se souvenait que, dans une mauvaise année, Madame d'Oradour, au lieu de lui demander son terme, lui avait envoyé un sac d'écus. Il imposa silence à tout le monde et décida que sa fille partirait. Le jour du départ arrivé, on mit un cheval à la carriole afin de mener Margot à Chartres, où elle devait prendre la diligence. Personne n'alla aux champs ce jour-là. Presque tout le village se rassembla dans la cour de la ferme. On avait fait à Margot un trousseau complet. Le dedans, le derrière et le dessus de la carriole étaient encombrés de boîtes et de cartons. Les Piédeleu n'entendaient pas que leur fille fît mauvaise figure à Paris. Margot avait fait ses adieux à tout le monde et allait embrasser son père lorsque le curé la prit par la main et lui fit une allocution paternelle sur son voyage, sur la vie future et sur les dangers qu'elle allait courir. « Conservez votre sagesse, jeune fille, » s'écria le digne homme en terminant, « c'est le plus précieux des trésors. Veillez sur lui, Dieu fera le reste. » Le bonhomme Piédeleu était ému jusqu'aux larmes, quoiqu'il n'eût pas tout compris clairement dans le discours du curé. Il serra sa fille sur son cœur, l'embrassa, la quitta, revint à elle et l'embrassa encore. Il voulait parler et son trouble l'en empêchait. « Retiens bien les conseils de monsieur le curé, » dit-il enfin d'une voix altérée. « Retiens-les bien, ma pauvre enfant. » Puis il ajouta brusquement, « 1000 pipes de diable n'y manquent pas. » Le curé, qui étendait les mains pour donner à Margot sa bénédiction, s'arrêta court à ce grand mot. C'était pour vaincre son émotion que le bonhomme avait juré. Il tourna le dos au curé et rentra chez lui sans en dire davantage. Margot grimpa dans la carriole et le cheval allait partir lorsqu'on entendit un si gros sanglot que tout le monde se retourna. On aperçut alors un petit garçon de 14 ans à peu près auquel on n'avait pas fait attention. Il s'appelait Pierrot et son métier n'était pas bien noble car il était gardeur de dindons. Mais il aimait passionnément Margot, non pas d'amour mais d'amitié. Margot aimait aussi ce pauvre petit diable. Elle lui avait donné maintes fois une poignée de cerises ou une grappe de raisin pour accompagner son pain sec. Comme il ne manquait pas d'intelligence, elle se plaisait à le faire causer et à lui apprendre le peu qu'elle savait. Et comme ils étaient tous deux presque du même âge, il était souvent arrivé que la leçon finie, la maîtresse et l'écolier avaient joué ensemble à cligne-musette. En ce moment, Pierrot portait une paire de sabots que Margot lui avait donnés, ayant pitié de le voir marcher pieds nus. Debout dans un coin de la cour, entouré de son modeste troupeau, Pierrot regardait ses sabots et pleurait de tout son cœur. Margot lui fit signe d'approcher et lui tendit la main. Il la prit et la porta à son visage, comme s'il eût voulu la baiser, mais il la posa sur ses yeux. Margot la retira, toute baignée de larmes. Elle dit une dernière fois adieu à sa mère, et la carriole se mit en marche.